et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Et vous êtes toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui à l'émission, nous aurons un spécial sur le rock progressif de la Finlande. Alors, la Finlande, c'est un pays scandinave, comme tout le monde le sait. Puis, la contribution de la Finlande au rock progressif, eh bien, c'est quand même assez marginal. On va aller du côté des chiffres. Les abonnés ou les auditeurs de l'émission qui savent qu'on a une base de données qui regroupe, soit dit en passant, aujourd'hui, mais il y a 20 940 groupes de rock progressif là, qui peuplent cette base de données. Puis la Finlande, bien, ça couvre une portion très faible de ça, avec 2,3% des 20 900 groupes, soit 496 groupes. Et les 496 groupes, bien, ils sont, on pourrait dire, majoritairement là, concentrés ou axés sur le métal et le heavy prog. En fait, sur les 496, il y a 41% des groupes qui touche au métal directement et indirectement avec l'expérimental post-métal. On en a aussi. On a du heavy prog, bien entendu, et on a du tech extrême métal. On a du symphonique métal aussi avec des groupes comme Nightwish. Par contre, l'émission va toucher surtout des groupes un petit peu, en fait, assez distants du métal. Je vais me consacrer aujourd'hui sur des genres qui sont un petit peu plus accessibles, un petit peu plus complexes aussi. C'est une des particularités de l'émission d'aller en dehors des sentiers battus. On aura même un petit peu, on va avoir du psychédélic space rock aujourd'hui. On va avoir du rock progressif folklorique de Finlande. On aura aussi un petit peu de krautrock. C'est pas quelque chose qui est habituel à l'émission, mais étant donné qu'on fait un spécial Finlande, bien, ça serait pas une bonne idée de passer à côté parce qu'il y en a quand même un bon pourcentage. Alors, aujourd'hui, bien, on aura 15 groupes qui vont couvrir de 1969 à aujourd'hui. Alors, 15 groupes différents et on va toucher, comme je le mentionnais, 4 à 5 genres différents aussi. Et dans le premier bloc, bien, on va aller proche des années, bien, du début, en fait, les tout débuts. Le premier groupe rock progressif de Finlande que moi j'ai connu, ça ne veut pas dire que c'est le premier absolu, là, mais moi j'ai connu Tasavallan Presidentti dans les années 70 là, et j'avais obtenu l'album homonyme. J'ouvre une petite parenthèse ici parce que les titres des chansons et des albums, c'est quand même assez aride. Ça me demanderait un effort de diction assez considérable. Quand les titres sont en anglais, je vais les nommer, mais si vous voulez avoir les titres exacts et la feuille de route, bien, je vous invite à consulter la page Facebook de Rock de Neurones. Alors, avec Tasavallan Presidentti, qui est un groupe, comme je le mentionnais, qui a été actif surtout dans les années 70, en fait, 4 albums entre 69 et 74, et ce qu'on va entendre, bien, c'est une pièce tirée du deuxième, Tasavallan Presidentti 2, et la pièce, c'est Lado. Ensuite, on aura Tabula Rasa. C'est un groupe aussi qui était actif dans les années 70 avec deux albums. Le premier en 75 et l'autre en 1976. Et le premier en 1975, bien, c'était un album homonyme. Et on va entendre la pièce Griff. Ça, c'est du krautrock. On va avoir Tenny, qui est un groupe folklorique. Ici, je vais éviter de prononcer déplier les noms parce que c'est trop complexe. C'est un groupe plus récent, des années 2000, début des années 2000, avec 5 albums studio. Alors, on va entendre, je rappelle le nom du groupe, c'est Tenny, T-E-N-H-I. Et le quatrième groupe, là, ben, je vais m'essayer, c'est Avarus Kro Parahali Pahahirvi. Alors, ça, c'est le titre du groupe. C'est le nom du groupe. Je vous évite de parler des pièces parce que j'y arriverai pas. Alors, on débute ça avec Tasavallan Presidentti. Everyone calling out the right one, cause it only screams. The sky battles on. The elements change. Now I can think of you. Across the sea, hope in my heart, dreams of the earth. What do you think of me? satoja valkoisia kaikille rajoille verso sulautuu. Ajatus maahan mailleni. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, je vous rappelle que vous écoutez actuellement une émission spéciale consacrée au rock progressif de la Finlande et que vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les trois prochains blocs. Et je rappelle aussi, j'ouvre une petite parenthèse ici, que, à savoir que vous pouvez écouter d'autres émissions spéciales qui ont été concoctées depuis quelques années. Notamment, j'en ai une sur le rock progressif de la Turquie et j'en ai trois sur le rock progressif italien, dont une émission consacrée au rock progressif italien de 1970 à 2000 et deux émissions de deux heures consacrées au rock progressif italien de 2000 à aujourd'hui. Alors ça, c'est tout accessible à partir de la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Et sur cette page Facebook-là, bien, vous allez avoir les hyperliens qui vont vous amener aux émissions archivées. Alors, dans le deuxième bloc de l'émission aujourd'hui, consacré à la Finlande, on va avoir en début d'émission, en début de bloc, c'est-à-dire Jésus Faglar. Ça, c'est un groupe un peu une étoile filante dans le rock progressif, dans le firmament du rock progressif finlandais, parce qu'ils ont fait un seul album en 2015 et je vous propose la pièce Kurti Saani. Et ça sera suivi de Jaaportit. Ça, c'est un groupe un peu psychédélique, Space, qui a cinq albums studio à son actif. Et je vous propose la pièce Suon Sulaessa. Ça, c'est tiré de Voimasuo, qui est paru en 2014. Ça va être suivi de Hydria Space Folk. Ça, c'est un autre groupe psychédélique. Et ça, c'est un groupe actif, en fait, depuis 2002. Le dernier album est paru en 2012, donc ils en ont quatre. Et moi, je vous propose un extrait de l'album Astrono Tika, c'est celui qui est paru en 2012, et la pièce s'intitule Badding. Et pour conclure, ben, on aura Utopianisti, qui est dans le genre jazz fusion, et la pièce Universe for Dummies, ça c'est tiré de Third Frontier, qui est paru en 2016. Alors on débute ça avec Jésus Faglar. Pitkin vuoren harjaa, on kautta suuri. Yo Thank you. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, ceux qui viennent de se joindre à nous, bien, sachez que nous sommes en train d'écouter une émission spéciale sur le rock progressif finlandais. Alors, on est rendu au troisième bloc de l'émission et on va débuter avec une formation récente qui est encore active. C'est le nom du groupe, c'est Yumi Noita. Ils ont trois albums actifs, trois albums de studio à leur actif. Et on va entendre une pièce tirée du deuxième album qui est paru en 2015. L'album s'intitule « All is Two » et la pièce, bien, c'est « Hymn 23 ». Ensuite, on va avoir Maladai. Maladai, c'est le groupe, je pense, qui a un petit peu remis le groupe, c'est-à-dire le rock progressif finlandais sur la carte là, en 2018 avec un album qui a été classé probablement par la plupart des amateurs de rock progressif, les maniaques en tout cas. C'est Toinen Toista. Ça, c'est l'album qui est paru en 2018. Mais moi, aujourd'hui, je vous propose un extrait de cet album-là, c'est la pièce-titre. Et on a aussi, après Maladai, le groupe Taipuva Luotisuora. C'est un groupe qui a été surtout actif dans la première décennie des années 2000, avec cinq albums studio. Et le dernier, bien, il s'intitule tout simplement 8, et on va entendre Infinitum. Et en fermeture de bloc, nous aurons Anders Boas, ça c'est un guitariste qui est dans le heavy prog et qui nous a produit dans la décennie courante une trilogie, The Witches of Finnmark. Et là, moi, je vous propose un extrait du troisième volet. Thank you. We'll be right back. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute d'une émission spéciale consacrée au rock progressif finlandais. Et pour clore l'émission, bien, on a trois groupes de l'ère moderne, c'est-à-dire qui ont émergé durant les deux ou trois dernières années. C'est entre autres Wolmari qui va débuter le bloc. Wolmari qui est un nouveau groupe qui a sorti un album homonyme en 2019. Et on va entendre la pièce, c'est-à-dire, quand je dis un nouveau groupe, c'est un collectif de plusieurs musiciens qui viennent d'autres groupes comme Corverstone, entre autres, Kataya, Pax Romana, Pekka Pohjola. Alors, ce sont tous des musiciens aguerris qui nous ont sorti un nouveau titre, Wolmari. Ensuite, on aura Hadal Sherpa, qui était aussi un nouveau groupe qui est sorti en 2017 avec un album homonyme, lui aussi. Et on va entendre la pièce Abyss et on va conclure avec Superfior. C'est un nouveau groupe finlandais. Et, en fait, nouveau, ils ont déjà 5 ans d'existence. Ils avaient fait paraître leur premier album en 2014. Et puis moi, je vous propose une pièce extraite de leur deuxième album paru en 2018. L'album, c'est All Will Be Golden et la pièce, c'est Cut and Paste. Thank you. Cut and paste till all is done.